Le Palais Montcalm vous offre le meilleur du néoclassique avec Niels Frahm. Entrez dans l'univers électroclassique de ce brillant compositeur allemand et découvrez les pièces de son nouvel album encensé par la critique. Le 20 mars, vivez la musique à son meilleur avec Niels Frahm. Détails au palaismontcalm.ca. Bonsoir tout le monde, et c'est l'émission Terrain Incognita à CKRL 89.1 à Québec, et vous êtes en compagnie de Bruno, Marc et Jean-François. Bonsoir Marc. Bonsoir Jean-François, bonsoir chers auditeurs et auditrices. Ben oui. Bonsoir Bruno. Il Bruno parle pas, mais il est là, il est tout le temps là. Ben oui, Bruno nous fait des gros babins, mais c'est ça. Même si on ne l'entend pas, Bruno il est toujours bien présent, il est toujours bien actif derrière la console, en support à nos élucubrations. Bon. Eh bien, c'est encore une grosse semaine. On a beaucoup de bonne musique. Entre autres, il va y avoir le Progressis numéro 91, dont Marc t'a parlé. Un peu, là, mais puis on en a parlé un peu la semaine dernière. Aussi, Bruno avait deux extraits là, de la compilation Prog le Species, New Species. Ben oui, Deluge Grandeur. Ah oui, oui, une de Deluge Bubble Mat. Oui, c'est ça. Puis l'autre, ben, c'était justement un des indispensables. Ben oui, mais comme j'ai l'album de Bubble Mat, ben on va en mettre encore, mais pas la même pièce. Ben oui, c'est donc, ça, Bruno. Donc, un autre extrait de cet album. On l'a bien aimé, c'est ça. Je pense que c'est un album à découvrir. Hein. Plus je l'écoute, plus j'aime ça. En tout cas, cette pièce-là, là, est dynamique, c'est quelque chose de rare, là, celle qu'ils ont mis là, sur le New Species. Là. Mais l'ensemble de l'album est pas mal comme ça. Ah, OK. Ah, mais ça, c'est bon. C'est, disons que c'est un petit peu indigeste d'un bout à l'autre. Là, OK. Parce que c'est très... Ben oui, c'est toujours sur ce beat-là, puis okay. C'est extrêmement dynamique, mais faut commencer à le connaître un peu, là, puis faut l'apprivoiser. C'est le deuxième album de Bubble Mat. Exactement, le premier remonte à très loin. Okay. Moi, je l'avais acheté dans le temps, mais je pense que c'est autour de l'année 2000. Okay. C'est, disons qu'ils ne sont pas très productifs, là. Ouais. Un album à peu près à toutes les 15 ans. Ah, c'est le fun. Ben oui. Puis, ben, on va parler aussi d'un festival. J'ai eu un mail d'une ancienne collaboratrice de Progressis, là. Parce que le festival Progressis fait relâche, hein, cette année. Ah oui. Il va revenir éventuellement dans une nouvelle formule. Mais là, il y a un autre groupe qui prend la place, à la même place, à Soignies. Puis ça s'appelle Les Intemporels. OK. Et ben, on va avoir des extraits de ça. Mais moi, j'ai trouvé le concept qui est le fun. C'est cool un peu. On dit qu'ils ont une volonté de ralentir le rythme, d'écouter de la musique de manière à allier plaisir, culture et responsabilité. L'objectif, ben, c'est changer la façon dont nous écoutons la musique. Entre autres, lors des concerts. Moi, c'est quelque chose qui m'horripile, là, puis que j'en ai parlé souvent. Je trouve que les gens n'écoutent pas dans les concerts. Oui, oui, oui. Souvent, ben, ça arrive. Oui, oui. Il y en a qui n'écoutent pas, oui. C'est pour ça qu'on cherche à être en avant, pour avoir les placoteux en arrière. Mais sauf que les placoteux, souvent, c'est une grosse partie de la salle. Bon, c'est une opinion personnelle qui engage juste ouais, moi. Là. Ouais. Mais ben, eux autres, on dirait qu'ils pensent un petit peu à la même chose que moi là-dessus. Ils trouvent que le rythme est effréné. Ça me surprendrait que tu contredises ça. Ouais. Avec tes deux enfants, tes deux ados, là, tu dois trouver que la vie passe vite. Hein. Ben, exactement. Fait qu'eux autres, c'est qu'est-ce qu'ils ont à proposer? Ben, ils vont avoir en ouverture un groupe qui fait une musique qui appelle des valses apocalyptiques. Là. C'est okay. Un groupe Yolk. On va en entendre un extrait. Okay. Moi, je trouve ça intéressant. Yolk. Oui, oui, ça me dit quelque chose, ce nom-là. Ben oui, c'est un groupe qui a trois albums depuis le début des années 2000. J'ai déjà fait jouer une pièce de Yolk. Ah, ben c'est bien possible. 2007 environ. Oui, je pense que le premier date de 2001, l'autre à peu près ça, puis le dernier est plus récent. OK. Après ça, il y a Aria Primitiva. Ça, c'est un petit peu weirdo. Ça, je connais pas ça. Il y a Atom Earth Mother Project. Ça, okay. Par exemple. Ah, ben ça, bon. Par exemple, ça me fait baver. Ouais, ouais, parce ouais. qu'ils vont faire Atom Earth Mother, ouais. mais avec un orchestre de cuivre et okay. une chorale. Ah oui, oui. Et ouais. un quatuor rock. Okay. Donc, ben oui. la même configuration oui, oui, c'est que ça, l'original. Quatuor album original. Ah, ça, par exemple. Ça, j'aimerais ça. Et ben il y a Machiavel. Et okay. Y a d'autres activités, évidemment, comme dans tous ces festivals-là. Mais c'est une philosophie qui est différente. Il y a plusieurs différente. Festivals, quand même. J'ai vu hein, en Europe. Il y a quelques festivals, quand même, qui roulent. Mais on est encore chanceux d'avoir encore un festival, nous, à Québec, là. Ben oui, mais comme c'est tu dis, si c'est progressiste, justement, font relâche, ben c'est pas si évident d'organiser des festivals. Là. Ben non, mais c'est le fun d'en voir apparaître un nouveau. Absolument, là. Ouais. Surtout qu'on voit qu'il y a une philosophie qui est différente. Ben disons que malheureusement pour nous autres, c'est loin un petit peu, là, mais disons que ça ne nous empêche pas d'aller faire un petit tour en Europe de temps en temps pour aller voir un concert. D'ailleurs, tu oui, l'as oui. déjà fait toi-même. Oui. Ben, on va. Écoutez un extrait de ce disque, le Progressis numéro 91, qui est plein de bonne musique. Hein? Mm-hmm. Ah oui, c'est Deluge des bonnes Granda, c'est vraiment très bon. Oui, oui, oui. Et on ne le réécoutera pas, évidemment. Ce oui. qu'on va écouter à la place, c'est un autre groupe que j'aime beaucoup, c'est Quantum Fantasy. Oui, je oui, pense oui. que c'était là au Nirfest quand il avait joué. Je ne suis pas sûr, non. Non. Ben, ça avait été très bon, ça, je te le confirme. Donc, on va entendre une pièce, en fait, c'est de leur dernier album, là, et ça s'appelle Astral Projection. Et ce sera suivi de This Winter Machine. Thank you. We'll be right back.

On vient d'apprendre, à la suite d'une conférence de presse, que la poussière de nickel provenait d'une seule source, le port de Québec. En octobre 2012, une poussière rouge recouvre les quartiers centraux de Québec. Véronique Lalande, une simple citoyenne, mène depuis un combat acharné contre la multinationale responsable des dégâts. Découvrez son histoire dans Bras de fer, le nouveau documentaire des frères Seaborn. Au cinéma Le Clap dès le 9 mars. Voyez le film en présence des réalisateurs et de Véronique Lalande le samedi 10 mars à 19h. Tous les détails sur la page Facebook du film. Le groupe anglais de This Winter Machine qui avait terminé ce bloc-là, ben en fait, c'est pas un gros bloc, c'est deux pièces seulement. Et on avait débuté avec Quantum Fante. Quantum Fante, comme on parlait un petit peu avant qu'on fasse jouer la musique, là, qu'on avait vu au Nirfest. En fait, ils étaient très heureux d'être là. Eux autres, ils disaient, on n'en revient pas d'être là, même on viendrait ici de gratuit, mais on est payé. Pour eux autres, c'est le bonheur total. Wow. Eh bien, en parlant de concert, Madriad, tu l'as annoncé la semaine dernière, va remplacer... ils prennent le trou qui était vacant, là, mais Madriad Plus, avec d'autres musiciens, vont faire le projet Pink Floyd qui s'appelle... Time for Pink Floyd. Ça va être le vendredi soir, le Time for Pink Floyd. Ouais. Puis c'est les musiciens de la Madriad, c'est ça, mais avec l'ajout d'une chanteuse, un saxophoniste aussi. Donc, ils font la période 71-79. Puis, il y a Circus aussi, que là, il y a un changement dans le claviériste, là, qui est un claviériste d'expérience. Là, Exactement. J'ai vu passer ça sur Facebook. Oui, c'est ça. Ils sont assez actifs sur Facebook. Donc, on se branche là, ça va avoir des nouvelles. Oui, et sur notre site www.terraincognita.québec pour les podcasts et les contenus d'émission. Exactement. Ça sera disponible demain avant midi. Et pour le prochain bloc, ben, on débute avec une pièce de Madriad qui a un nouvel album, mais qui est difficile à trouver pour l'instant, sauf en téléchargement. Ça vient tout juste de... Oui, c'est ça. C'est sorti à la fin décembre. Donc, on va se rabattre sur l'album de 2005 qui s'appelle « Safe in Conformity ». Si on a choisi ce disque-là, c'est parce que c'est à peu près la formation qu'on va voir, donc en quatuor. Et Jean-François Desilets est revenu au chant. Donc, on va entendre une pièce qui s'appelle Anatomy of a Dream dans la formation qu'on les verra. Et ce sera suivi de Machiavel sur ce qui est considéré comme leur pièce maîtresse, là, Mechanical Moonbeams. J'ai dit tantôt que Machiavel sera au Festival des Intemporels en Belgique le 22 avril prochain. Et ce spectacle-là sera concentré sur les trois premiers disques. Ils disent pas d'autre chose. Donc, c'est des pièces qui n'ont pas été jouées depuis plusieurs années. Eh bien, on vous revient après. We'll be right back.

Let's go die. écoutez CKRL 89.1. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur du néoclassique avec Niels Fram. Entrez dans l'univers électroclassique de ce brillant compositeur allemand et découvrez les pièces de son nouvel album encensé par la critique. Le 20 mars, vivez la musique à son meilleur avec Niels Fram. Détails au palaismontcalm.ca. En 1978, le ministère de l'Environnement statuait que les activités industrielles au port de Québec constituaient une source de contamination pour l'air de la ville. Mais vous n'avez pas de regrets, hein, M. Girard? Ça fait un mois que vous dites aux gens de Limoilou, c'est pas nous autres, c'est pas le port. Là, ça sort, le rapport, c'est vous. Il y a des jours où je suis plus choquée contre Arrimage puis contre le port de Québec parce que c'est eux qui produisent la contamination. Puis il y a des fois, je suis encore plus choquée contre les autorités parce que eux, leur mission au quotidien, c'est de protéger la population, pas l'entreprise. Le gros de l'histoire, c'est que c'est pas assez étage puis de la poussière de nickel qui se ramasse effectivement dans l'air. C'est pas tellement qu'il manque des lois et des règlements en matière d'environnement, il manque la volonté politique de les appliquer. La compagnie joue à l'autruche, la santé publique. Puis le ministère de l'Environnement, ils vont pas jusqu'au bout de leur pouvoir. Monsieur le ministre, il est temps de se déniaiser. C'est-tu assez clair? Le film documentaire Bras de fer à l'affiche au cinéma Le Clap dès le 9 mars. Monsieur le ministre, il est temps de se déniaiser. Il est jamais trop tard pour se déniaiser. On a entendu Fish on Friday, cet extrait de Progressis numéro 91. Et sur l'album, en fait, c'est Quiet Life. Et juste avant, c'était Emil Jim, qu'on retrouve aussi sur cet album-là. L'album s'appelle Myth on Earth. Mais je ne sais pas si tu as lu dans le magazine, là, eux autres, ils considèrent que c'est un des meilleurs albums de l'année. Oui, oui, oui. Formation norvégienne. Il y a beaucoup de formations norvégiennes ouais, qui sont chroniquées. Là, oui, oui, ben oui. Le prog scandinave est en très bonne santé. Oui, c'est surtout la Norvège depuis un certain temps. Oui, c'est vrai. Qui n'arrête pas de sortir des disques. Donc, c'est un premier album. Et on fait référence à Pink Floyd, Sigur Rós et Airbag. Quand on parle de Pink Floyd, parler d'Airbag, c'est quand même un petit oui, peu... Oui, oui, c'est ça. Là. C'est dans la même veine. Et bon, et juste avant, c'était Machiavel c'est un disque qui s'appelle Mechanical Moonbeams, qui est parmi leurs meilleurs. On a entendu Beyond the Silence, et ce sera du matériel qui sera joué lors du festival Les Intemporels en Belgique. On avait débuté avec Amadriad, qui lui sera au festival Terra Incognita. Et ben, ils sont déjà venus jouer à Québec, mais une seule fois peut-être, ou deux fois. Je pense qu'il était en première partie de Deep Purple. Deep Purple, hein, c'est ce au que grand je Grand Théâtre. C'était pas au Pavillon de la Jeunesse. Hein? En tout cas, il me semble, c'est ce que j'ai vu là, sur leur site. Mais allez faire un tour sur leur site, là, ils en parlent un peu des concerts qu'ils ont joués. Mais c'est ça, c'est vraiment pas souvent qu'on les a vus. Là, il y aura Wobbler le même soir. On parlait de la Norvège. Oui. Wobbler, Madriad, Circus du Québec. Il y aura également Cellar Noise le lendemain avec Aerostation puis Moon Safari. Toi, c'est un groupe que je sais que quand même t'aimes beaucoup. Là. Je redécouvre mon Moon Safari justement récemment. Là. Bloom Jod est vraiment bon. Ouais. Oh, ils ont tous des bons albums. Puis moi, j'aime bien Lover's End. Oui, oui, oui. Et le mini-album qui avait suivi, là, la troisième partie. Là. Moi, je trouve que c'est pas mal ce qu'ils ont fait de meilleur. Parlant de progresser, je l'ai lu justement, le Souple. J'ai vu que tu allais me proposer du Souple. J'ai lu la chronique, là, la critique, l'entrevue finalement avec le compositeur de Souple. Oui, c'est un petit peu particulier, le leader de Souple. C'est une entrevue qui est intéressante. Et dans ce magazine-là, ben, on retrouve toutes sortes d'autres choses, comme dans les collectors, ben, il y a Marillion, Misplaced Childhood. Mais comme on dit dans Prog Story, un des commentaires, c'est qu'ils nous font racheter toujours les mêmes disques. Mais ben, il faut dire que c'est attrayant. Hein. Il y a 5 disques, dont un DVD, puis bon, des albums événements, Arab in Aspic, Deluge Grandeur. Lunatic Soul, que moi j'aime bien, que je suis depuis le début. Motor Psycho, que tu as fait jouer lors de ta dernière émission. Oui, oui. Puis justement, il y a Soup. Oui. Et ben, y a un compte-rendu aussi d'un concert de Big Big Train oui, à Londres. À Londres, oui. Puis selon celui qui fait le compte-rendu, là, c'est un des très bons shows qu'il a vu dans sa vie. Absolument. Et bien, le temps passe vite, hein. IQ, ça a fait 20 ans, Subterranea. Mm-hmm. Et cette année, je ne sais pas si tu vas voir Arena. Oui, oui. Ça va être le 20e anniversaire de The Visitor. On va souligner ça dans deux semaines. Ouais. On va écouter une pièce d'Arena dans deux semaines. Et bon, donc pour le prochain bloc, oui, on va commencer avec Soup, qui est apparu dans les palmarès de beaucoup de monde cette année. Moi, c'est un disque qui est passé un petit peu sous mon radar, là, comme d'autres. Et on va écouter aussi du Bubble Map avec Edith Peptide. Moi, je trouve qu'il n'a pas été... on dirait que c'est pas assez connu. Pas apprécié, peut-être pas les gens n'ont peut-être pas réalisé comment c'est un bon album. J'ai hâte d'en écouter plus. Ben oui, il y a toujours un bon succès critique, mais il y a peut-être la disponibilité aussi. Oui, absolument. Mais comme tu disais, c'est tellement difficile de trouver des CD. Sauf que là, c'est sur Cunéiforme. Puis là, ben France a vu que Cunéiforme ferait faillite. Oh. En tout cas, il fermerait les portes. Quel dommage. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle parce que moi, j'adore les produits qu'ils nous font. C'est peut-être la musique qui est moins accessible, il faut s'entendre. Ben oui. Souvent sur Cunéiforme, mais c'est ça qui fait que c'est dommage. Là, on perd l'accès à des choses plus. Ah oui, puis il y a notre groupe de Montréal, Myriador, qui est là-dessus aussi. Oui, oui. La plupart des disques de Univers Zéro aussi, sauf le dernier, étaient là-dessus. Eh bien, ce bloc se terminera avec le groupe que je parlais, Yolk. Ça va terminer le bloc dans un esprit un petit peu cunéiforme. Donc, on débute avec Soup. Vive la révolution! In every part of the world, wait for the sign. It's time to be heard. Did you believe we wouldn't unmask the lie? Your concept of God versus a concept of life. Thank you.

had a blast. The friends that we met, we would never forget. Now he needs something new to be true, to believe so he can muddle through. How he feels when his pain appeals to his proud bows, while his happiness grows dim and everything gets grim. An opportunity seems slim, but just when he's crossed, thinking all is lost, a flyer intrigues him. All those hopes take hold, soon to be sold on this brand new plane, calling out his name. We'll be right back. N'attendez plus. Faites-le aujourd'hui. Renouvelez votre carte de membre sur ckrl.qc.ca. Votre carte ne coûte que 25$ et elle est valide pour un an à partir de la date d'adhésion. Votre radio vous suit partout. Téléchargez l'application de l'Association des radios communautaires du Québec et écoutez les stations de partout en province. Les radios communautaires, écoutez-les, découvrez-les partout. Disponible pour Android et iPhone. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur du néoclassique avec Niels Fram. Entrez dans l'univers électroclassique de ce brillant compositeur allemand et découvrez les pièces de son nouvel album encensé par la critique. Le 20 mars, vivez la musique à son meilleur avec Niels Fram. Détails au palaismontcalm.ca. Et on a terminé d'une façon un petit peu magma. Je dirais, moi je trouve que ça ressemble un peu à du magma, donc oui. C'était Yolk, ceux qui vont assister au festival Les Intemporels vont avoir l'occasion de voir ce groupe-là sur ça. C'est vraiment pas un groupe que je connaissais pas du tout. C'est pas le groupe que tu pensais? Non, du tout, oui. C'est une découverte. Ben oui, c'est intéressant, puis c'est le genre de groupe qui est plaisant à voir sur scène. Juste avant, c'était Bubble Matt, ça, je serais bien curieux de voir ça sur scène aussi. Hey, oui. Et donc, c'était une autre pièce. Il y a de l'adrénaline. Ouais, hein? Ils doivent pas jouer deux heures, là, parce que... parce que c'est toujours un peu comme ça. Là. Oui. On dirait, moi, j'ai les deux albums qui ont sorti, là, puis je peux pas croire qu'ils sont capables de jouer ça pendant deux heures. Là. C'est quasiment pas possible. Là. Et on avait débuté, cette fois-là, en douceur, avec Soupe. Et c'est pas une mauvaise pièce, ça. Mais c'est la progression est très lente. Puis là, à la fin, là, il y a une montée là, dynamique. Là, mais c'est sûr que c'est très contemplatif hein, comme album. Ben, comme on se comme disait, style, surtout dans les palmarès européens, là, on retrouverait ça. Même Big Bang, au palmarès global, ouais. Là, se retrouvait numéro un. Il faut dire que la pochette est vraiment belle. Là. Je l'ai pas vu en couleur, okay. Mais ce qu'on voit dans le magazine... Mais en couleur, là, c'est vraiment beau. Là, comme il y a une entrevue dans le Progressiste. Puis, ouais. C'est ce qu'il comme disait. Comme il disait, là, quand Steven Wilson a vu le travail que lui avait fait pour sa pochette, Steven Wilson avait envie d'utiliser ce concept-là pour sa propre pochette de To The Bone. Donc, il y a une similarité entre les pochettes de Steven Wilson et de Soup. Mais finalement, c'était le projet de celui qui est derrière le projet Soup, là, qui avait proposé ces effets de couleur là. Ça a été utilisé aussi un effet comme ça pour le dernier album de Robert Plant. Ah ouais. Ouais, les effets de couleur là dans le visage là, mm-hmm. Ça rappelle un peu ça là. Il y a un concept en tout cas. Donc dans le magazine c'est petit un peu puis c'est en noir et blanc, ça me donne pas une idée parce que j'ai l'album de Robert Plant là. Oui. Fait que ça me donne une meilleure idée. Ce qui va suivre c'est Sleep in Heads, je sais pas si t'as pris le temps, moi j'ai downloadé, on a eu un lien, c'est une bonne idée de vous envoyer ça, j'ai écouté ça puis je trouve ça intéressant. Donc on dit que la sortie est le 1er mars, donc ça vient de passer. C'est un groupe ukrainien qui a été formé en 2015, puis on compare ça un peu à Opeth, Porcupine Tree, The Gathering, Catatonia, Anecdoten, Anathema, Pineapple Thief. Opeth, moi je vois pas tellement, là. J'ai écouté les six pièces qu'il y a là-dessus. Porcupine Tree, oui, sûrement un petit peu. Gathering, Catatonia. La pièce qu'on va entendre, c'est celle qui rouvre l'album. Celle-là est beaucoup plus atmosphérique. Disons que dans deux semaines, j'en mettrai une qui est un petit peu plus élevée. Mais ça joue là-dedans. Là. Catatonia, Porcupine Tree, Gathering. Donc un groupe de l'Ukraine, Sleep in Heads. Ah ben. Oui. C'est que tu fais une transition après ça avec l'autoroute, avec... Ben, on va terminer avec Pink Floyd, un extrait de Atom Earth Mother, mais sur l'album le Creation qui est sorti l'an dernier. Donc, on va en entendre juste un extrait, là, c'est pour souligner aussi le festival dont je parlais plus tôt, Intemporels, qui, eux autres, les chanceux, vont l'avoir avec un orchestre de cuivre et des chœurs, ça va être sûrement grandiose. Mais tout de suite après Sleepy Ned, il va y avoir voix du Rush qui ferait sûrement plaisir à Jacques Dulac. On va entendre la pièce de Camera Eyes, et c'est pas pour rien, c'est pour souligner le spectacle qui s'en donnait à la chapelle par Mathieu Gosselin et son groupe, qui s'appelle justement The Camera Eyes. Mm-hmm. Et l'extrait qu'on va entendre, ça vient de Air Forte Live. Oui, récent. Donc, il va avec Sleep in Heads. Thank you. like an English rain. So like an embers from a leaden sky. Hey! Tell me to lose, can you do it to right? I think I survived, but the book is bone dry. et c'était Rush avec The Camera Eye. Et ben, c'est pour souligner le spectacle de Camera Eye qui aura lieu à la chapelle. C'est la fin du mois. Ça, c'est le samedi 31 mars. Et France n'est pas là pour les spectacles, hein, j'en arrache un petit peu. Eh bien, on va se quitter sur Pink Floyd, The Early Years, donc Creation 67-72. Ben, comme on se disait, Marc, c'est vraiment indispensable. J'ai beaucoup aimé ce. Il y a plein de raretés, là, plein de versions rares, puis de pièces inédites là, sur ça. Ah oui, il y a des nouveaux mix, mais il y a des pièces qu'on retrouve sur aucun autre album, comme Embryo. Ben, c'est une version en concert. Ben, il y a une version courte et une version en concert sur l'autre disque. Ouais. C'est un disque double. Et ce qu'on entend sur Dine, ben, c'est Atom Earth Mother, une band version. Donc, c'est avec le groupe et c'est live à Montreux. En 1970, ben c'est pour souligner ce que je disais plus tôt, même si c'est pas en version symphonique, là, c'est en version quatuor. Donc on se quitte là-dessus. Ben, merci d'avoir été là. Moi, je reviens dans deux semaines. On change un petit peu l'ordre établi. Et on vous laisse. Oui, pour faire une belle transition avec l'autoroute, Stéphane Villeneuve est là dans quelques minutes. Exactement. Donc une bonne semaine à tous et Michel sera là la semaine prochaine.